Donc, bonjour à tous. Avant de débuter cette intervention, je souhaiterais à mon tour remercier chaleureusement Ivan Loskutov pour m'avoir invité à participer à cet événement de prestige. Cet après-midi, j'ai l'intention de vous présenter des sources inédites issues de l'Antiquité qui ont inspiré les académiciens du XVIIe siècle pour créer les médailles du règne de Louis XIV. Alors, quelques mots sur le modèle antique. Le modèle antique était une référence essentielle dans l'idéal de représentation de Louis XIV. L'antique se logeait dans tous les aspects de la médaille, à la fois dans l'image, la langue latine des inscriptions, et bien plus encore, comme je le disais, dans les sources utilisées, comme j'avais déjà eu l'occasion de le démontrer lors d'une précédente communication il y a de cela 3 ans. J'avais été jusqu'à dire que l'Antiquité avait été le principe fondamental qui guida les membres de la Petite Académie lorsqu'il fallut écrire l'histoire du roi par les médailles dans le grand recueil de l'histoire officielle métallique du roi. Donc cet usage de l'antique, ainsi que les connaissances minutieuses des académiciens sur la culture antique, transparaissaient en partie dans les procès-verbaux de l'Académie des inscriptions, donc tenus à partir du mois d'avril 1694. Ce registre est un témoin des séances qui se tenaient entre académiciens, et grâce à lui, il a été possible, il y a de ça 3 ans, de mettre en lumière les usages des monnaies, de la littérature antique, ainsi que des motifs d'acceptation ou de rejet des monnaies. Afin de forger donc les médailles. La diffusion des médailles et des recueils à l'aura très antique était, à mon sens, une manifestation éclatante du pouvoir royal envers ceux qui recevaient ces cadeaux. L'art fut employé à des fins de propagande depuis toujours, mais à mon sens, avec le règne de Louis XIV, cela fut rarement aussi vrai. Le précédent travail de recherche effectué avec cette thématique exposait le détail des origines monétaires des médailles Louis XIViennes. Et on pouvait constater que certains dessins antiques, en provenance de monnaie, se trouvaient actualisés sous une version moderne, comme on le voit dans le premier exemple, donc c'est un exemple tiré de la première communication, ou au contraire, ces monnaies pouvaient être fidèlement copiées, avec ce deuxième exemple, qu'on a vu, je crois, dans une précédente communication ce matin. Donc ce constat plaçait les artistes et les penseurs de l'Antiquité au service de la glorification de Louis XIV. Le registre des délibérations ne dévoilait toutefois qu'un échantillon des références monétaires utilisées. Et c'est sur ce motif que le travail que je vais développer présentera des exemples issus principalement d'un travail personnel de recherche et de comparaison entre la numismatique et les médailles, sans qu'il n'y ait du coup de recours au registre. Alors je vais chercher dans mes développements à étudier la valeur ainsi que les mouvements de la matière antique au sein des médailles de l'édition de 1702 vers l'édition de 1723. Et grâce à la présentation de ces révélations inédites, il nous faudra donc observer dans un premier temps dans quelle mesure les monnaies antiques ont participé à la création de l'image du roi et à la création de l'image de son royaume au sein du volume de 1702. Donc ce sera notre premier axe. Il conviendra ensuite d'étudier donc quelles ont été les évolutions du royaume métallique, donc initialement fondé dans 1702, lorsqu'il a fallu qu'une nouvelle assemblée d'académiciens adapte la totalité des événements déjà créés auparavant dans un nouveau volume qui était destiné à couvrir cette fois-ci l'intégralité du règne royal. Donc cette nouvelle édition parut, hein, je l'ai dit, en 1723, et elle comprenait nécessairement de nouveaux événements pour la période comprise entre 1702 et 1715. Et c'est en ce sens que je vais terminer avec l'étude des rapports entre l'Antiquité et cette fois-ci les médailles inédites, donc des nouveaux événements du recueil de 23. Alors, je commence sans plus attendre avec notre premier axe. En réalisant le recueil de 1702, les membres de la Petite Académie ont eu pour projet de représenter un domaine divin qui a été régi et façonné par un roi qui est très souvent élevé au rang de divinité. Une divinité qui arbore les différents visages des dieux antiques au fil des événements extraordinaires qui se produisent lors du règne. Les hommes de pouvoir de l'Antiquité développaient des liens forts avec les divinités afin de mettre en avant un trait de caractère particulier. Auguste se plaçait par exemple sous la protection du solaire Apollon, Marc Aurèle était quant à lui associé à Minerve pour sa sagesse, tandis que Commode se prenait pour la réincarnation d'Hercule. Les pièces de monnaie permettaient donc tout particulièrement d'expliciter les liens en combinant sur un unique corps métallique à la fois le visage divin et à la fois le visage impérial. Les empereurs ont utilisé donc massivement cet outil, qui fut une source majeure d'inspiration pour les académiciens, comme je vais avoir l'occasion de le démontrer. Louis XIV est encore connu aujourd'hui pour être le roi soleil, ce qui implique un lien certain avec Apollon, comme vous le savez, et comme ce fut le cas jadis avec Auguste. Toutefois, si ce dieu est l'émanation première de l'aura divine du roi, il faut constater qu'il figure assez peu dans les médailles. L'explication pour cette absence est simple. Louis XIV était déjà le principal Apollon lors de ses apparitions sous sa forme humaine dans le recueil. Et son rayonnement était déjà suffisamment puissant. Alors, on remarque d'ailleurs que lors de ses apparitions, Apollon est mentionné pour ses attributs artistiques en priorité, comme c'est le cas donc, dans la médaille 119, que vous voyez donc ici, sur le roi protecteur de l'Académie française et des Beaux-Arts. On nous précise d'ailleurs à ce sujet dans les explications historiques de cette médaille qu'il ne s'agit pas vraiment d'Apollon, mais qu'il s'agit de la représentation du roi. On peut lire, je cite, « C'est le sujet de cette médaille, le roi est représenté sous la figure d'Apollon, dieu des Beaux-Arts. » Donc preuve en est avec cette explication que très peu d'autonomie semble être laissée aux dieux dans le recueil et que les figures divines proposées au lecteur sont avant tout des représentations d'un Louis XIV métamorphosé selon ses besoins et détenteur de la totalité des capacités et attributs divins. La médaille citée présente un intérêt tout particulier puisque le dessin d'Apollon provient directement d'un denier donc frappé sous Caracalla que l'on peut observer ici. Les deux dessins comportent Apollon au centre nu, regardant à sa droite, et ayant à sa gauche une lyre appuyée sur un trépied. L'Apollon du dessin antique tient un rameau, c'est vrai, que l'Apollon moderne, en tout cas, ne possède pas, et la posture a légèrement été adaptée, mais je crois qu'on peut affirmer sans trop de doute que le cœur des deux illustrations paraît s'accorder assez visiblement, et permet d'affirmer, en fait, que les académiciens ont copié cette monnaie pour offrir un visage d'Apollon parfaitement antique au roi Soleil dans son histoire officielle. Alors un phénomène similaire est remarquable pour les autres apparitions de dieux dans le recueil, et j'aimerais vous en proposer quelques-unes. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de voir toutes les occurrences que j'ai pu trouver, mais je vais commencer en vous proposant un dessin qui a servi à dessiner les traits de Neptune pour la médaille 101. Donc, sur cette médaille, on peut voir Neptune, trident en main. Alors dans les deux cas, il y a quand même une légère différence entre les deux cas. Le trident est inversé, c'est-à-dire que dans la monnaie antique, il est pointé vers le haut, alors que dans la médaille, il est pointé vers le bas. Donc c'est juste un détail. Le trident était symbole de domination des mers, et à mon sens, les académiciens ont souhaité faire un rappel de l'épisode de Neptune frappant la Terre pour laisser les océans s'écouler. Alors, l'usage de traits divins pour dépeindre Louis XIV et son pouvoir a été massif. Alors, juste en dessous, je ne vais pas revenir tellement dessus, mais on a Mars qui est mentionné. Alors, la scène est un peu différente, mais la composition reste assez similaire. On a donc le dieu Mars, la présence d'une lance, d'un bouclier. On a un item, donc une petite victoire et une couronne donc dans les deux cas, mais on a un petit item qui est tenu par Mars. Et on a une autre figure qui est présente. Alors, ça a été adapté, donc on ne peut pas parler de copie parfaite, mais le lien me paraît quand même assez frappant entre les deux occurrences. Et je vais également présenter un exemple qui concerne Minerve, qui se distingue de ce qui avait été découvert par le passé, j'avais déjà pu en proposer la dernière fois, puisque désormais, donc avec cet exemple de la paix avec la Savoie, un rameau d'olivier est intégré dans le modèle. Cette médaille 265, à propos de la paix avec la Savoie, projette Minerve, debout, branche d'olivier en main, et tenant une lance dans l'autre main. C'est un dessin que l'on retrouve donc dans le denier de Claudius Albinus. L'usage de la matière antique et divine restait idéal pour célébrer le roi. Une autre figure divine, abondamment représentée pour signifier la force écrasante du roi, fut Hercule. C'est un héros qui était particulièrement apprécié par les artistes, qui l'utilisaient pour renvoyer à la force du souverain, comme vous avez pu sans doute le deviner. Alors, on a l'exemple qui est juste en dessous, voilà, pas besoin de changer. Donc, la posture est relativement similaire, là encore. Même si le dessin moderne comprend un bouclier sur le sol et que la tête d'Hercule soit orientée un peu différemment, je crois que le dessin, là, reste totalement comparable, au même titre que les intentions respectives des créateurs antiques et des créateurs modernes, à savoir offrir une pose victorieuse suite à une bataille, donc au souverain, en exhibant la massue en tant que symbole de force brute. Là, je pense que l'accent a été placé sur la massue et sur le corps donc d'Hercule. Alors, on constate finalement avec ces quelques exemples que par ces occurrences que Louis XIV devient un dieu que je qualifierais d'omnipotent, en revêtant les traits de nombreux visages divins au fil du recueil. Des visages divins qui ont été pensés et élaborés par les artistes de l'Antiquité, comme on a pu le voir. Il y a eu de la part des académiciens un travail quasi systématique de copie, sans actualisation moderne du dessin, ou de son environnement pour les médailles relatives aux dieux. Alors, seule une légère adaptation de la posture était parfois tolérée. On a vu que parfois c'était adapté avec une jambe fléchie autrement ou une tête tournée. Mais on peut considérer, je pense, que la numismatique a fortement contribué à offrir au roi son corps divin dans l'histoire métallique. Rien de surprenant à cela, donc je ne l'ai pas signalé, mais les anciens qui étaient présents dans cette petite académie étaient présents donc, dans leur dernier bastion. La petite académie était le dernier bastion des anciens, et ils appréciaient travailler avec cette matière. Alors, lors du travail de glorification, actualiser des dessins issus de Monet s'est exprimé différemment, cette fois-ci, lorsqu'il a fallu penser à représenter le royaume de France. On a représenté dans un premier temps le roi sous forme divine, et il a fallu également penser à représenter le royaume de France dans le recueil de 1702, et ça s'est traduit un petit peu différemment. Après avoir présenté un roi purement divin, dans près de 20% des médailles, il fallait désormais guider le lecteur au sein d'un royaume qui fut façonné donc par le roi lui-même. Le projet pour les académiciens était avant tout de conserver cette essence antique, tout en peignant les bâtiments et créations modernes du royaume de France. Je vais pouvoir vous montrer qu'ils ont pour cela pris appui sur les dessins des merveilles de la Rome antique, figurant sur les monnaies, en leur faisant subir une actualisation moderne cette fois-ci, qui était donc indispensable, fatalement. Faisant ainsi donc du roi un dieu antique, je me plais à le qualifier de cette manière, qui fonde, puis occupe une France comportant donc les plus beaux bijoux architecturaux de son époque. Les souverains impériaux, et là c'est important de faire le parallèle entre les constructions donc des souverains impériaux et celles de Louis XIV, les souverains impériaux avaient pour coutume de lancer des chantiers destinés à élever des monuments toujours plus imposants et toujours plus nombreux afin de marquer l'histoire humaine d'une empreinte aussi glorieuse et indélébile que possible. Les empereurs ont tenu à ce que les merveilles de leur temps soient frappées dans le métal pour leur octroyer l'éternité. La médaille, enfin la monnaie en tout cas, permettait d'outrepasser les dégâts causés par le temps, par les guerres, et on en a encore donc de beaux exemples aujourd'hui qui sont en bon état. Si bien que temples antiques et autres symboles de culture romaine ornaient très facilement les monnaies. Alors, de par l'existence de ces deux faces, comme je le disais, la pièce métallique, c'était un excellent compromis pour rappeler indéfiniment quel visage impérial pouvait être associé à un monument. Et donc, il en a été de même avec Louis XIV. Pour les monuments créés sous son règne, avec de l'autre côté de la médaille, son visage. Donc, je pourrais vous présenter un exemple. Alors, j'ai eu du mal à choisir, parce qu'il y en a encore une fois beaucoup, et il a fallu faire un choix. On trouve des représentations donc, dans les médailles de ports, de villes, de forteresses, de ponts, et même des intérieurs de bâtiments officiels, pour garnir donc, l'ensemble du recueil, que ce soit en tant qu'objet central de la médaille, ou de manière plus furtive en arrière-plan. Comme ce fut le cas encore une fois sous l'ère antique. Alors, le lecteur se voit proposer une visite de l'intégralité du royaume avec plusieurs arrêts dans le recueil sur les plus belles beautés fondées sous l'ère Louis XIVienne. Alors, je vais illustrer ça avec un premier exemple en médaille 212. Donc, dans la médaille 212 au sujet du pont royal, bâti à Paris en 1685, la médaille présente le pont comme objet principal. Seul un canot est visible, donc est-ce que je peux vous montrer ? Donc, un canot est légèrement visible ici, comme c'est le cas en fait dans la monnaie romaine qui est proposée, là, qui a été frappée sous Trajan. On a une embarcation qui semble non militaire a priori, avec un pont en objet central. La coupe est la même que celle de la médaille pour la monnaie. Et on retrouve sur ce sesterce, encore une fois je le dis, l'embarcation non militaire, qui finalement parvient à me convaincre quasi totalement que cette médaille a été créée en prenant appui sur cette monnaie. Hein. Voir se multiplier les constructions fondées sous le règne de Louis XIV a contribué à leur banalisation, finalement, au fil de la lecture du recueil. Et leur grandeur est devenue une norme pour le roi Soleil. Il est devenu, par cet intermédiaire, un roi bâtisseur, ou j'avais dit tout à l'heure roi fondateur, et il était indispensable, finalement, de proposer une médaille architecturale à la mesure du monarque solaire. Et cela se traduira par la création de la médaille 184 à propos de Versailles. J'ai souhaité rendre hommage donc, à ce colloque en étudiant la médaille sur Versailles, et je pense qu'on peut y trouver une influence antique. Alors, je vous la montre de suite. Donc, un sesterce frappé sous Domitien présentant la Domus Flavia de l'empereur rappelle, je pense, cette médaille. Le lieu est présenté seul, épuré, de face, avec une légère perspective et un recul offrant une impression de distance à l'observateur. Le graveur de ce modèle avait pour projet de présenter le domaine impérial dans sa globalité, tout en le détaillant. Alors, pour ce qui est des détails, je trouve que les rangées de colonnes, en tout cas, alors je n'ai pas trouvé mieux en termes de qualité, mais les rangées de colonnes sont assez bien réalisées, comme les détails par rapport qu'on peut voir ici, hein. Et donc, l'objectif, c'était avant tout de créer donc une monnaie célébrant la demeure impériale. Donc, c'est un projet qui rappelle celui de la médaille. Dont l'inscription d'ailleurs brille par son efficacité, une efficacité à l'antique, Regia Versaillarum, château royal de Versailles, pour concentrer toute l'attention sur la merveille, comme c'est le cas dans les monnaies antiques. Alors, bien qu'il soit bien entendu impossible de trouver une copie parfaite pour cette médaille sur Versailles, on peut cependant affirmer que le modèle de création, la façon dont cette médaille a été pensée, obéit, selon moi, au modèle monétaire de l'Antiquité. Ce type de structure, avec le monument important au centre, sans ornement supplémentaire, ainsi qu'une légende nommant le bâtiment pour les monuments importants du règne, sont des modèles assez courants. Sur plusieurs modèles de l'Empire romain figurent pareillement différents types de fortifications, des enceintes et diverses murailles de ville. Encore une fois, on n'aura pas forcément le temps de tout voir. Mais je dirais que ces revers, en tout cas, avaient un but de propagande lorsqu'il s'agissait de camps militaires. Pour garantir au peuple une sécurité contre les menaces d'invasion qui pouvaient se manifester. Alors, j'en présente un exemple également. Donc, deux exemples, du coup, avec deux médailles. On peut voir sur la monnaie une enceinte d'un camp prétorien romain sur un aureus. C'est un modèle de dessin qui fut repris par les académiciens, puis actualisé cette fois-ci. Puis actualisé, puisqu'on repère des tentes. Alors, c'est intéressant de voir aussi une présence humaine dans la monnaie romaine, qui est bien plus fournie dans la médaille moderne, mais qui a le mérite quand même d'exister dans celle qui est antique. Donc les rapports peuvent être établis. Cette utilisation diffère malgré tout donc dans les médailles un peu diffère légèrement donc de l'usage antique, puisqu'il est suggéré au lecteur du recueil une sécurité régénérée dans les deux médailles et maintenue par les nouvelles générations. On remarque dans la première médaille de jeunes troupes. Et dans l'autre médaille, le jeune duc de Bourgogne. Puis il faut constater que l'intégration de ces camps s'est faite en fin de recueil. On est donc en 191 et de médaille 277, pour signifier que les guerres n'ont finalement pas eu d'impact sur une force militaire française inépuisable malgré le temps qui s'écoule. C'est en tout cas le message qui était véhiculé. Alors il s'agissait là d'une étape indispensable pour le voyage métallique qui était proposé au lecteur au sein du royaume de France. Et cette notion de voyage ou celle de visite, les deux termes me plaisent bien, au sein du royaume est d'ailleurs fondamentale, puisque l'on peut observer dans le recueil la présence d'un grand nombre de plans gravés sur les médailles, comme pour inviter le lecteur à se repérer efficacement. Alors, c'est un modèle qui était là aussi déjà utilisé par les empereurs sur leur monnaie. On en a un bel exemple avec ce sesterce, renvoyant la médaille du port de Brest. Alors, l'origine, en tout cas métallique, antique, est indiscutable, puisque là, on a une source dans le registre. Au mardi 6 août 1997, je cite, Monsieur Dacier a montré dans Autonus Augustinus une médaille de Néron où l'on voit le port d'Ostie et le dieu Portune. La compagnie a approuvé ce type. On voit là que le sesterce évoqué par Dacier a bien pour dessin une vue aérienne du port d'Ostie. En bas de la monnaie, on peut voir l'allégorie couchée du Tibre, donc juste ici, qui s'appuie sur un dauphin, donc qui est juste là. La médaille moderne reprend rigoureusement cette structure en affichant le plan de Brest et une allégorie maritime avec ici donc une forme qui rappelle, oui, c'est sans doute un dauphin. C'est comparable en tout cas à ce qu'on a là. Les rapports que je viens là de proposer entre monnaies et médailles sur les dieux et sur les monuments du royaume pourraient facilement être multipliés, comme je vous l'ai dit. Mais il a fallu faire des choix et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Néanmoins, soulignons quand même que les informations qui viennent d'être données et les exemples donnés jusqu'à maintenant prenaient appui sur le volume de 1702 exclusivement. Dans l'édition de 1723, le domaine du roi a été remodelé et c'est pour cette raison que je souhaiterais avancer dans mon développement en insistant sur les nouveautés apportées sur la nouvelle situation de cette France métallique au sein du volume de 1723. Donc, un petit point quand même sur la seconde édition des médailles sur les principaux événements. Elle fut élaborée dans des conditions différentes de celles de 1702. On attribue habituellement l'édition de 1702 à la Petite Académie, un noyau dur d'une dizaine d'académiciens, partisans des anciens. Mais dès 1701, cette académie évolue et s'enrichit de nombreux membres. Les effectifs seront plus que doublés, ce qui, sous couvert d'évolution, aura pour conséquence de bouleverser la dernière grande place forte des anciens qu'était cette petite académie. On peut alors légitimement s'interroger sur le devenir de l'histoire métallique du roi, qui se trouve désormais à la fois débattue dans un cadre moins privé et moins intimiste qu'auparavant, tout en étant soumise à des voix plus hétérogènes. Alors, je peux diffuser les deux frontispices pour illustrer cette partie. Alors, on va le voir, les inquiétudes quant à l'identité très antique de l'histoire métallique se trouvent très vite renversées dès la consultation des premières médailles inédites du règne, puisque l'on retrouve une structure similaire à ce que nous connaissions, donc des inscriptions latines, correspondant parfois même à des modèles numismatiques, que je développerai, ainsi que des dessins reprenant divinités, allégories et éléments antiques. Donc on reste finalement dans ce volume de 1723 avec quelque chose que l'on connaissait déjà. Toutefois, l'intégration de nouveaux membres a provoqué des changements au sein du royaume métallique, créé pour 1702, alors c'est évoqué aussi rapidement ce matin, et j'ai voulu dégager des principes de modification après comparaison des deux volumes. Et il va être intéressant de constater dans quelle mesure le modèle antique resta une référence quand il fallut réfléchir une nouvelle fois à des événements déjà pensés quelques années plus tôt. Alors, on peut dire qu'un travail de restructuration de ce royaume à l'antique eut lieu dans le recueil de 23. Par l'intermédiaire de la modification, donc ça a été dit, de plusieurs dizaines de médailles déjà existantes. Cette recomposition impactera d'ailleurs le recueil lui-même, puisque l'ordre des médailles sera dans un premier temps bouleversé, et quelques événements verront même leur date changer. Les modifications sont parfois minimes sur des médailles, mais elles ponctuent pourtant une partie conséquente de l'œuvre. Dans les principes de modification, il y a d'abord des changements que nous qualifierons, enfin que je vais qualifier en tout cas de partiels ou de mineurs, et qui prennent plusieurs formes. Le changement de posture d'une allégorie, par exemple. Le remplacement d'un objet par un autre, d'un gabarit similaire. Le remplacement d'une allégorie par une autre, ou encore l'ajout ou la suppression d'un objet. Mais en général, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que le cœur de la médaille de 1702 est généralement conservé, mais son environnement se trouve légèrement retravaillé, avec une valeur antique qui, vous le verrez, aura un poids toujours assez égal à ce qui était déjà présent. Alors on le voit avec l'exemple de la médaille 21, édition de 23. Sur la prise de Piombino, l'allégorie de l'Italie est assise et face à l'allégorie de la victoire, tenant deux couronnes murales. Pourtant, entre les deux médailles des deux volumes, le globe et la corne d'abondance ont disparu. La lance est devenue drapeau et la posture de la victoire a évolué. Parfois, ces modifications mineures se traduisent même par une redisposition, tout simplement, des éléments constituant la scène. Mais on ne peut jamais conclure, en tout cas, à un rejet antique pur et dur. C'est le constat qu'on va pouvoir faire. Alors, je vais avancer un petit peu. On peut également constater parfois un amoindrissement du modèle antique qui peut avoir lieu par ces modifications si cela semble servir la gloire du roi et le changement d'assemblée, cette fois, en est la cause principale. Un cas d'affaiblissement antique est perceptible dans l'exemple de la médaille 66, donc, qui est ici. Donc, ce sont les trois, la dernière ligne. Alors, elle concerne... c'est celle-ci, voilà. Donc, elle concerne la naissance de Monseigneur le Dauphin. Cette médaille voit disparaître le génie représenté à la manière des anciens, et là je cite le commentaire historique, hein, à la manière des anciens, au bénéfice d'une allégorie de la France portant désormais donc le nouveau-né. La légende, refaite elle aussi, ne manque pas en revanche de faire un rappel à l'antique en introduisant la notion d'empire, propago imperi. Un autre travail de modification fut également exercé sur certains arrière-plans, parfois jugés trop peu précis, trop surchargés, voire inutiles. Donc là, on en est à cette troisième ligne. Tous les changements opérés par ces modifications mineures ont le plus souvent pour objectif l'épuration des dessins, proposer une meilleure lisibilité et le retour à l'esprit de synthèse de la pièce métallique sans qu'il n'y ait de surcharge inutile. Pour appuyer cette idée, il suffit de relever donc les médailles qui n'ont fait l'objet d'aucun changement. Et on constate rapidement que les modèles gardés intacts sont généralement les plus épurés. Formule latine concise, dessin vidé d'artifice. Finalement, cette recherche de clarté et de synthèse qui renvoie à l'essence même de ce que sont les pièces métalliques de propagande fut l'orientation ciblée par cette nouvelle assemblée d'académiciens pour cette nouvelle histoire, enfin pour cette histoire en tout cas agrandie du règne royal. Il fallait à tout prix éviter la surcharge pour que les lecteurs et les observateurs soient frappés en priorité par le message transmis. Et ce travail de simplification se manifeste donc dans le cas de la médaille 65, puisque si l'on compare à la version donc, de 1702, donc à l'origine on avait un modèle antique, donc version 1702 et version de 1723, on a l'arrière-plan qui a été complètement ôté, et on a l'impression que la scène principale, en tout cas, a été un petit peu agrandie. Donc on recentre vraiment l'attention du lecteur sur le message transmis, à savoir donc le roi en position de force, plutôt que de laisser, en tout cas, l'observateur se perdre dans les détails de la médaille. Alors, on peut également signaler, alors celle-ci, je peux peut-être, ouais, celle-ci on va la laisser. Donc, l'épuration des médailles existantes a eu lieu. C'était donc, comme je disais, le projet principal de ces académiciens. Mais près de 20 légendes ont également été revues dans les médailles présentes initialement dans le volume de 1702. Ces modifications furent opérées afin de renforcer la concision des messages transmis, ou plus simplement pour servir plus efficacement la gloire royale. Alors là, je n'ai pas mis d'exemple, mais je peux en citer un tout simplement. Sur la prise de Sternay en médaille 37, on avait en 1702 « Urbium Gallicarum Admossam Securitas » et cette légende devient tout simplement en 1723 « Stenaeum Captum » « Stenae pris », ce qui se rapproche bien plus du modèle de concision antique, surtout que le modèle en captum ou capta était très utilisé dans les monnaies. Donc là, on a un modèle monétaire qui est repris pour forger l'inscription. Alors, j'aimerais également avancer un petit peu en mentionnant que 8 médailles originaires de l'édition de 1702 furent supprimées. Soit en raison du manque d'importance des événements proposés, soit à cause du manque de gloire pour le roi. Alors, certaines parmi elles étaient très à l'antique et prenaient modèle sur les monnaies. La deuxième médaille sur la naissance du roi, que je n'aurai pas le temps de vous montrer, par exemple, trouvait ses sources dans l'Antiquité et c'était donc cité dans le registre. Je peux citer à l'occasion d'une séance d'avril 1994. On a imité en cela plusieurs médailles d'Auguste, et pourtant, cette médaille a quand même été supprimée. Alors, on s'étonnera également, donc là, on vient à cet exemple, on s'étonnera également à la suppression de la médaille 72 sur la France florissante, qui comportait une légende antique, Felicitas Temporum. On peut voir que c'est repris d'un denier donc, d'argent frappé sous Macrin, et alors même si là, donc, les personnages sont différents, la structure est assez similaire. Donc, je l'avais présenté à l'occasion du précédent colloque, et là, elle se retrouve supprimée pour le volume de 23, sans doute parce que l'événement en lui-même n'était pas suffisamment important ou suffisamment glorieux, porteur de gloire pour le roi, bien qu'il s'agisse d'une médaille de célébration malgré tout. Alors, les médailles avec des événements trop peu importants, alors je pourrais citer la médaille sur la colonie de Madagascar, représentant un simple bœuf, qui était pourtant d'inspiration monétaire antique, se devait de disparaître de la version ultime du recueil en raison de leur manque de gloire, et elle a été supprimée. Alors, mais on peut dire que si les événements originaux du recueil de 1702 ont été dégarnis de quelques médailles, il faut aussi remarquer que dans le recueil édité en 23, de nouveaux fragments ont été ajoutés pour les événements compris entre la naissance du roi et l'union de la France et de l'Espagne de 1700. 7 médailles exactement ont été ajoutées, et elles comportent toutes des divinités, des allégories ou alors un environnement antique. Malgré le changement d'assemblée, les origines monétaires de certaines de ces nouvelles médailles sont également notables, comme en témoigne donc l'exemple de la médaille 30, à propos donc des avantages remportés en Flandre. Donc on y voit un type plutôt courant qui, cette fois-ci, semble prendre source dans un sesterce. Donc il a été frappé sous Marc Aurèle, hein, comme c'est noté. Minerve est debout, lance appuyée sur le sol, bouclier à ses pieds, et on a un élément de petite taille dans la main tendue. Alors c'est différent, dans les deux cas, on a une petite victoire, donc c'est similaire. Les académiciens ont souhaité, là je pense, réellement reprendre ce modèle, même si on a un trophée d'armes qui apparaît initialement dans la monnaie antique. Cette influence monétaire se remarque en même temps dans la médaille 55 sur la paix des Pyrénées, puisqu'un rapprochement, donc elle est juste en dessous, voilà, puisqu'un rapprochement peut être fait avec un denier frappé sous Vespasien. La divinité semblait être Jupiter, originellement, donc d'après les sources que j'ai trouvées, mais les académiciens ont repris la structure de la médaille en intégrant le dieu Mars. Donc on a le dieu appuyé sur une lance avec un autel. Et donc là, on le voit mal sur la monnaie antique, mais il s'agit bien de la couronne de laurier qu'on a dans la médaille moderne. Alors, il est intéressant de remarquer que la médaille 116, donc qu'on a tout à droite, du coup, célèbre l'établissement de l'Académie d'architecture française en présentant Minerve entourée de colonnes antiques avec en arrière-plan le Colisée pour illustrer une académie présente sur le sol français. Cette création démontre que ceux qui ont pensé ces nouvelles médailles ont eu pour intention de poursuivre le projet initial amorcé donc par les membres fondateurs de l'Académie royale des inscriptions. Dans le champ des modifications majeures, s'imposent également, et donc là ce sera le troisième point de notre deuxième partie, les médailles qui ont été totalement refaites. Il y a des médailles qui ont été modifiées légèrement, mais certaines ont été complètement refaites. 13 nouvelles scènes ont été donc vraiment refaites à 100%, et concernent donc des événements déjà traités, et j'ai pu noter qu'au moins 5 parmi elles tiennent leur source de monnaie, donc je ne verrai pas les 5, hein, forcément, puisque le temps va nous manquer, et la refonte totale de ces médailles eut lieu afin de renforcer des types jugés trop peu glorieux pour le roi, de manière générale. Renforcer le caractère divin du roi et de son domaine en augmentant les apparitions de divinités antiques fut aussi, à mon sens, l'un des objectifs de la refonte de ces médailles. Là, les événements ont été conservés, mais refaits, donc plus à l'antique encore. Même si cela impliquait des types déjà utilisés plusieurs fois. Alors là, il y a deux exemples qui sont vraiment frappants que je souhaite vous montrer. Il est intéressant de voir donc, une scène refaçonnée à l'antique dès le début du recueil avec la médaille 7, édition 2.23. Alors, j'ai pris deux monnaies pour illustrer, donc juste ici. À l'origine, on avait ici donc, la médaille de 1702. Elle a été refaite en 23, donc la prise de Carthagène. Et j'ai pu trouver donc ces deux monnaies qui, à mon sens, se rapprochent beaucoup de cette médaille de 1723. Alors, je vais peut-être avancer un petit peu. Alors, on peut également mentionner que la couronne rostrale qui est présente sur la médaille de 1702 semble reprise et intégrée quand même dans celle de 1723, comme pourrait utiliser finalement le travail déjà accompli par les membres de la petite académie initialement. Alors, cette médaille, hein, je n'en reviens pas dessus, mais bien sûr, elle est là pour symboliser la force maritime et la force, donc, la force guerrière dans le champ naval du jeune roi, puisqu'il ne s'agit que de la septième médaille du recueil. Donc, on pourrait également mentionner que le soutien divin de cette autorité antique pour le roi est complété un peu plus loin par une médaille refaite qui renforce la figure du roi pacificateur. Dans la nouvelle médaille 54, donc, qu'on a juste en dessous, donc, qui est là, on peut voir, donc elle concerne les conférences pour la paix, alors on peut voir que dans l'édition de 1702, le temple pour la paix et l'île tout entière a été représentée, le temple pour la paix était assez petit. Contrairement à la nouvelle version qui présente le temple plus en détail. Alors ce temple de la paix a été érigé, à mon sens, sur cette médaille, grâce au modèle d'un temple romain présent sur un double denier, donc frappé sous l'empereur Philippe Ier. On retrouve donc sur cette monnaie une statue au centre, donc destinée, je pense, à symboliser l'empereur, ainsi que trois statuettes, donc une ici, une en haut et une autre ici, qu'on retrouve également là, là et ici. Donc la structure est vraiment similaire. Et la disposition donc, des figures de pierre, oui, alors les colonnes, on en a six également, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais on en a six, donc trois de chaque côté, et l'ensemble des statuettes semble vraiment correspondre. Donc je pense que pour créer cette médaille 1723, la nouvelle assemblée à utiliser cette monnaie. Voilà, ça me semble assez indiscutable. Enfin, je dirai ça tout à l'heure. Alors, j'avance un petit peu. On peut dire, pour conclure sur cette médaille, que le roi pacificateur donc tient son modèle de paix de ses prédécesseurs romains, comme le suppose en fait l'intégration de ce temple antique dans une médaille de son propre règne. C'est comme ça que je l'ai interprété. En pensant et en forgeant à nouveau les médailles pensées par les anciens, l'Assemblée de l'Académie royale des inscriptions a souhaité garder l'esprit et la vigueur qui avait été initialement insufflée dans le projet du recueil initial. Le recours à des modèles de l'Antiquité et la connaissance des monnaies sont deux points indiscutables, comme en témoignent les exemples proposés jusque-là. D'ailleurs, dans cette nouvelle Assemblée, on a trois numismates. Alors, j'ai leur nom, donc quelque part, je pourrais vous les redonner. Donc, ça témoigne quand même d'une certaine connaissance antique et numismatique renforcée, oui, c'est le terme. Ces médailles reforgées que j'ai présentées apportent plus de valeur antique, mais atténuent parfois l'identité propre de certaines médailles en leur offrant des types déjà bien utilisés auparavant sous couvert de la recherche de clarté dans les messages transmis. Il y a une recherche d'épuration, mais paradoxalement, pour représenter de nouvelles médailles avec plus de dieux, on réutilise des types déjà utilisés, donc c'est parfois un petit peu paradoxal. Alors, j'ai pu jusqu'à présent vous présenter les modifications mineures et majeures au sein de l'histoire officielle métallique du roi, publiée en 1702, et on a constaté que l'antique et les monnaies n'en sont pas moins restées des références de choix. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. L'actualisation enclenchée en 1723 pour les événements du royaume métallique de 1702 s'est soldée par un renforcement des intentions antiques des académiciens qui avaient fondé originellement l'académie. Lorsque des changements étaient opérés sur la matière antique, une matière au moins équivalente, on l'a vu, s'est trouvée proposée. Il convient alors pour une dernière partie de s'interroger à présent donc sur la place du modèle antique dans les médailles sur les événements inédits du règne du roi paru dans le volume de 1723 et pour lesquels les nouveaux académiciens avaient tout à inventer. Là, il n'était pas question de supprimer des médailles, d'en refaire, de faire des modifications mineures. Le volume de 1723 se démarque avant tout par la présence d'une nouvelle série de 32 médailles qui étaient destinées à célébrer les événements du royaume entre 1702 et donc la disparition du roi en 1715. Alors ces nouvelles tâches sur lesquelles les académiciens ont œuvré, pourtant il semblerait que l'Assemblée n'a pas profité de cette liberté nouvelle de création pour s'émanciper de codes et de modèles qui étaient déjà établis auparavant. Les traits du royaume de France ont continué à être dessinés à l'antique, tout comme le fut son histoire au sein des médailles à l'origine. Alors c'est une identité que l'on retrouve dès la toute première médaille du inédite de ce recueil, qui est juste là, donc la médaille 287. Cette première médaille est à propos, donc, concerne le départ du roi d'Espagne et confirme effectivement le souhait d'intégrer la descendance du roi à sa propre histoire, en fait, à sa propre histoire, et surtout de la dessiner à l'antique, comme le roi Louis XIV le fut lui-même par le passé, donc dans les médailles précédentes. Alors, on a là en fait une cérémonie, je pense que vous en avez déjà un petit peu parlé, mais une cérémonie donc, qui se rapporte un peu à l'Adventus ou à la statue équestre. On avait ces modèles qui étaient très représentés dans les monnaies antiques. Là, donc, je l'ai rapproché d'un antoninien, mais il y a plusieurs occurrences qui pourraient s'en rapprocher. J'ai également donc, montré le roi Louis XIV à cheval pour montrer que sa descendance subit le même traitement que lui, subit le même traitement antique et subit le même traitement de gloire, en fait, hein, de gloire, hein, c'est exactement ça. Alors, on pourrait avancer un petit peu, finalement, avec cette médaille, en avançant l'idée d'une transmission de pouvoir d'une génération à une autre. Alors, c'est un écho qui est créé entre les empereurs Louis XIV et sa descendance. On a dans un premier temps l'écho qui débute avec les monnaies antiques, qui se poursuit avec Louis XIV et qui s'achève, ou en tout cas qui se poursuit un peu plus dans l'esprit des académiciens, avec sa descendance, donc avec Philippe V. Alors c'est synonyme de gloire et de grandeur pour la lignée du roi absolutiste, hein, forcément, et intégrer une médaille aussi riche de symboles en guise d'ouverture de cette nouvelle série est un choix très fort de la part des académiciens. On comprend vraiment qu'ils n'ont pas souhaité s'émanciper du modèle et des habitudes déjà prises auparavant par l'Assemblée d'origine. Alors la transmission de pouvoir d'une génération à l'autre avait déjà été amorcée dans le volume de 1702, et c'est une thématique donc qui va devenir récurrente dans cette nouvelle série. Peu après la médaille citée, une médaille dédiée à la prise de Brissac, que je vais vous présenter, représentant un duc de Bourgogne conquérant et à cheval, nous remémorera d'anciennes médailles éditées pour les conquêtes d'un Louis XIV qui était encore bien portant à l'époque. Je ne l'ai pas mise, mais j'aurais pu la mettre. Mais si on revient quelques dizaines de médailles plus tôt, on peut trouver Louis XIV à cheval avec cette posture. Là, il y a un écho qui se poursuit encore une fois. Alors, on peut également remarquer, donc pour la médaille 293, que le dessin est tout à fait comparable, hein, vraiment. Dans l'entreprise de propagande, intégrer la famille impériale aux événements du dirigeant était une nécessité pour symboliser finalement l'éternité du règne. Alors, cette notion d'éternité et de lignée glorieuse qui perdure apparaît dans la légende donc, de la médaille 289. J'ai inversé, donc... Non, je ne l'ai pas mise. Bon, je le présenterai après. Donc, dans la médaille 289, on peut observer donc, le petit-fils de Louis XIV, désormais roi d'Espagne, avec comme légende, virtus avita, valeur héréditaire. Donc, cette notion de transmission, elle est vraiment très forte, et ça va être l'idée principale qui sera développée tout au long de cette nouvelle série de médailles, tout en reprenant toujours de l'antique. Donc j'avance un petit peu, on a donc la médaille 298 sur la prise de verrue. Au-delà de la représentation des figures familiales, on retrouve dans ces nouvelles médailles inventées les mêmes codes donc, que ce qui avait été développé auparavant, mais les figures divines, même s'elles sont intégrées, elles ne célèbrent plus forcément le roi ou sa descendance. Là, ce qui est célébré, ce sont des généraux. On parlait tout à l'heure des généraux de qualité qui œuvraient sous Louis XIV. Là, ce sont des généraux qui sont célébrés, et bien entendu, il était malvenu de représenter le général sur la médaille. Donc, ce sont des dieux qui sont venus symboliser la force, donc les dieux, là en l'occurrence Mars dans les deux cas, qui sont venus symboliser la force guerrière du roi par l'intermédiaire de ces généraux. Alors, il n'y a pas de doute par rapport à la valeur de ces généraux, puisque dans le commentaire historique, ils sont bien nommés. Dans la médaille, ils n'apparaissent pas, c'est Mars qui est l'objet central, mais ils sont nommés. Donc, il s'agit du duc de Vendôme et le maréchal de Villars pour l'événement 302. Alors on voit que les structures sont assez similaires. On a un Mars conquérant dans le premier exemple, avec une allégorie soumise, donc en position de faiblesse du coup, qui est à ses pieds, hein, vraiment à ses pieds dans la monnaie. Dans le deuxième exemple, on a donc Mars triomphant, avec donc un trophée d'armes, une lance. Alors on retrouve le trophée d'armes sur l'épaule gauche dans les deux cas. Donc il y a une symétrie qui est. Enfin, il y a un rapprochement qui est assez équivoque. On peut ajouter également que cette médaille a été frappée sous Auguste, cette monnaie a été frappée sous Auguste, et que c'est un soldat anonyme qui est représenté ici. C'est un soldat anonyme, ce n'est pas Mars. Donc il y a eu le même projet finalement, il y a le même projet. On a souhaité représenter une victoire militaire, mais sans donner trop d'honneur à un général, donc soit en représentant un soldat inconnu, ou en représentant donc la divinité. Alors, j'avance un petit peu, hein, j'en suis presque à la fin de mon propos. J'aimerais aussi mentionner donc qu'une inscription paraissant sur la médaille 316, la médaille 316 au sujet de la constance du roi, me paraît particulièrement remarquable en raison de ses origines littéraires. L'usage de la littérature antique dans la formation des légendes était déjà quelque chose de récurrent dans le volume de 1702, et cela semble se poursuivre dans le nouveau recueil. Puisque Omnium Ordinum Consensu, que vous avez juste là, du consentement de tous, est une formule que l'on retrouve dans le quatrième livre de la République de Cicéron. Et par ces mots de Cicéron, les académiciens souhaitaient signifier le rassemblement et l'approbation de tous à propos d'une autorité, à propos d'un règne de Louis XIV qui était attendu et désiré. Alors, le recours à cette autorité permet de réaffirmer l'aura très antique du règne royal. Par ces paroles, qui sonnent comme les premiers mots concluant la fin du règne absolutiste, puisque c'est là, donc c'est pas l'avant-dernière médaille, puisque la dernière c'est 318, mais on est tout à la fin du recueil. Le dessin, oui, donc les académiciens offrent à Cicéron le privilège, finalement, d'entamer la conclusion de ce recueil. On est en médaille 316, le recueil s'achève en 318, et c'est Cicéron qui débute en donnant ses propres mots à la légende qui orne donc cette médaille de monument funéraire pour le roi Louis XIV. Donc c'est un message très fort qui est donné par les académiciens, puisque c'est un auteur antique donc qui n'est pas mineur, c'est un auteur majeur qui annonce donc la fin du règne du roi. Alors j'ai mis également un denier donc d'argent frappé sous Auguste, juste en dessous, donc qui rappelle cette colonne. Hein. Alors, j'aurais pu en choisir d'autres, hein. Il y a plusieurs modèles qui existent. Moi, en ce qui me concerne, je dirais que la conclusion à l'antique de ce recueil se poursuit finalement avec la seconde médaille sur la mort du roi, par la légende, donc Aeternae Memoriae, mémoire éternelle, des termes qui figurent sur des monnaies romaines de célébration post-mortem. Alors, on est d'accord que le dessin est complètement différent, mais Aeternae Memoriae, on le retrouve, j'ai plus de la souris, on le retrouve donc juste ici. Et c'est repris en début d'inscription. Alors on trouve cette légende sur une pièce de monnaie frappée en l'honneur de Valerius Romulus. Alors c'est une figure impériale mineure, hein, on sera d'accord là-dessus, mais la formule a paru suffisamment bonne, visiblement, pour être attribuée au roi. Alors pour conclure, je dirais que l'utilisation du modèle antique a prouvé son efficacité depuis des siècles et semble se poursuivre. Elle semble se poursuivre et surtout elle semble s'intensifier et elle semble clore l'édition de 1723 malgré l'évolution qu'a pu subir l'Assemblée depuis la fondation de cette académie par Colbert en 1663. Le constat est sans appel, le royaume métallique de Louis XIV demeure porteur d'une empreinte divine et conserve le cœur profondément antique qu'on lui avait attribué par le passé, malgré l'arrivée de ces nouveaux académiciens, de ce cadre un peu moins intimiste que ce qu'on avait connu par le passé. Alors, je dirais que ces académiciens ont tenté de retravailler les événements originaux pour masquer la redondance du premier volume, qui était provoquée par l'enchaînement de modèles, de médailles, parfois assez semblables. Là, je vous ai présenté donc Mars en tant que figure centrale tout à l'heure. C'est un modèle qu'on peut retrouver, alors je ne vais pas compter, mais au moins, je pense, 4 ou 5 fois facilement. Et c'est valable également pour Minerve, pour alors Hercule un peu moins, parce qu'il bénéficie de meilleures adaptations. Mais il y a une redondance qui est créée, et en voulant finalement épurer un peu les médailles, j'ai trouvé que dans, 1720, dans le volume de 1723, cette redondance était un petit peu accentuée sous couvert de l'utilisation donc, d'un modèle antique et de renforcement antique parfois. Alors, l'évolution majeure des nouveaux événements repose, on l'a vu, sur la mise en avant des bourgeons du roi, en vue donc de sa disparition. Et ces derniers, donc ces bourgeons du roi, que sont ces petits-enfants, bénéficient du même traitement en termes de glorification à l'antique. Dans cette fin de volume, le roi de guerre a pris le rôle de roi, j'ai nommé ça, de roi à l'origine d'une lignée suffisamment glorieuse pour dominer l'Europe, puisqu'on démarre avec cette nouvelle série sur le roi, donc le nouveau roi d'Espagne, en médaille de 187. Alors, on est parfois très proche d'un Olympe terrestre, si l'on en croit l'usage illimité d'allégories divines, et le royaume dessiné dans les médailles suggère un roi qui fut, je le répète, omnipotent, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et père, finalement, père des fondations glorieuses de la France. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'aurais eu plein d'autres exemples à vous proposer. Là, on a peut-être une vingtaine d'exemples qui ont été proposés, mais j'en avais peut-être entre 30 et 35, voilà, facilement. Hein. C'est vraiment une norme, que ce soit pour 1723 ou pour 1702 encore. Hein. Voilà.